que je fus moi. J'ai hanté dire tout haut dans le ténèbre de ces mondes. J'ai patogé un bonjour. J'ouvre mes pouces vers son fils, son unique Jésus qui m'a reçu, m'a établi, a fait de moi son disciple. Le Père et le Fils demeurent en moi. Je l'ai trouvé, oh, oh, oh, je l'ai trouvé, oh, oh, oh, il est amour, il est fidèle, plein de compassion, miséricorde, il est vivant pour l'éternité, mon meilleur avocat auprès du Père, il est assis à sa droite. Racheté par son sang, je l'ai loué toute ma vie. Mort qui je fus moi, il m'a ressuscité. Il m'a donné la vie éternelle. Qui d'autre vais-je glorifier? Qui d'autre vais-je louer? Qui d'autre vais-je adorer? Qui d'autre vais-je glorifier? Qui d'autre vais-je louer? Qui d'autre vais-je adorer? Si pas Emmanuel. Qui d'autre vais-je glorifier? Qui d'autre vais-je louer? Qui d'autre vais-je adorer? Si pas Emmanuel. Pour moi, hallelujah.